Chapitre 17e. Si solide que fut l'honorabilité d'Adeline, cette partie l'ébranla. Dans la folie du jeu, on s'était bien un peu étonné de cette persistance de la veine, mais on n'avait pas eu le temps de réfléchir, il fallait se rattraper. Ce n'est pas dans le feu de la bataille qu'on examine comment sont donnés les coups qu'on reçoit, on tâche de les rendre, après on verra. Après, on avait vu que cette veine était vraiment bien extraordinaire et telle qu'il n'y avait pas d'honorabilité, si solide qu'elle fût, qui pût la mettre à l'abri du soupçon. Autour d'une table de baccarat, il n'y a pas que des joueurs affolés par l'émotion de la lutte ou paralysés par l'angoisse, incapables par conséquent de voir autre chose que ce qui leur est étroitement personnel, le point de leur tableau et celui du banquier. En plus de ces acteurs, il y a les spectateurs, les curieux. Il y a ceux qui piquent la carte et notent tous les coups dans l'espérance de saisir une veine qu'ils poursuivent pendant des heures, quelquefois jusqu'à l'aurore. Il y a aussi les Grecs de profession qui exercent une terrible surveillance, non en vue d'empêcher les tricheries, mais simplement en vue de prendre une part dans celles qu'ils surprennent et qu'ils peuvent dénoncer. Enfin, il y a encore le personnel du cercle, très expert aux choses de jeu, qui ouvre toujours les yeux et quelquefois les lèvres, quand ce qu'il a remarqué sort de l'ordinaire. Les tailles d'Adeline avaient été notées, et faisant suite à celles de Salzmann, elles constituaient un ensemble révélateur. 1, 4, 0, 6, 6, 0, 5, 0. 0, 8, 0, 7, 6, 9. 3, 2, 0, 3, 2, 0, 8. 0, 3, 0, 1, 3, 7, 0, 2, 0, 8, 0, 7, 6, 9. Cette série de chiffres qui se continuait était absolument incompréhensible pour un profane, mais pour un affranchi, elle ressemblait terriblement à une séquence. Ce n'était ni la surprenante, ni la foudroyante, ni l'invincible, ni la douceur, ni les quatre fers en l'air, ni la toulousaine, ni la marseillaise, ni aucune de celles qui sont classiques dans le monde de la grecquerie et qui, par là, sont trop usées pour qu'on ose s'en servir dans un monde un peu propre. Mais elle sentait cependant la préparation d'une main plus complaisante que ne l'est ordinairement la main de la fortune, un peu lourde peut-être, et qui avait prodigué les 7, les 8 et les 9 au banquier plus qu'il n'était adroit de le faire, s'il n'avait pas été inspiré par l'idée d'empêcher les hésitations de tirage. Pour ceux qui admettaient la séquence, la question était de savoir si un homme du caractère et de l'honorabilité d'Adeline avait pu consentir à jouer avec des cartes séquencées. C'était là-dessus que la discussion s'était engagée quand, après le premier moment de surprise, on avait commencé à discuter la victoire du président du Granty et les moyens par lesquels elle avait été obtenue. Au premier mot de séquence, tous ceux qui connaissaient Adeline s'étaient récriés « Allons donc, à son âge, dans sa position !» Et puis, à quel signe certains reconnaît-on une séquence? Toutes les fois qu'un banquier gagne plus que les pontes ne voudraient, il passe donc des séquences. Mais à ces objections, les répliques n'avaient pas manqué. Et ceux qui parlaient de séquences n'étaient pas restés courts. Ce n'est généralement pas à 20 ans qu'on triche, c'est plus tard, quand on y est peu à peu amené et qu'on n'a plus que cette ressource. La position d'Adeline était-elle assez bonne pour qu'il n'eût pas besoin de gagner 80 000 francs? Si oui. Comment avait-il accepté d'être président d'un cercle avec un traitement payé par la cagnotte? D'ailleurs, tous ceux qui parlaient de cette partie ne connaissaient pas Adeline et n'avaient pas dès lors de raison pour le défendre. Un président de cercle qui avait triché, c'était vrai. Une séquence, c'était vrai. Il y a tant de joueurs qui ont été écorchés vifs par ce genre de vol contre lequel la défense est à peu près impossible, qu'ils voient des séquences partout, et plus souvent encore que dans la réalité, où cependant elles se rencontrent si fréquemment. Et puis ce président n'était pas le premier venu, il avait un nom, il était député. On lisait ce nom dans les journaux, et dès lors les accusations devenaient plus vraisemblables. C'était drôle, il y aurait du scandale. Une rumeur s'était élevée qui avait instantanément couru le tout Paris des cercles et du boulevard. Le président du Granty a passé une séquence à son cercle. Est-ce qu'il n'est pas député? Justement, ah, elle est bien bonne. Si les présidents s'en mêlent. C'était cette double qualité de député et de président qui donnait du piquant à la chose. Pas intéressante pour le boulevard, les histoires de gens que personne ne connaît. Il arrive assez souvent qu'il se gagne des sommes importantes d'une façon étonnante sans qu'on s'en occupe en dehors des cercles où ces parties ont été jouées. Mais c'est qu'alors ceux qui ont opéré ne comptent pas pour le boulevard, n'existent pas pour lui. Ils ne sont nulle part, comme disent les Anglais. Adeline était quelque part, au Palais Bourbon, dans les journaux, et dès lors, elle était bien bonne. Ceux-là même qui auraient haussé les épaules, si on leur avait parlé d'une séquence passée dans un des cercles les plus connus de Paris, sous les yeux de 100 personnes, par un étranger du Pérou ou des Indes, devenaient attentifs quand on ajoutait que le coupable était un député, un homme en vue. C'était un événement parisien, et tout de suite, sans autre examen, il se disait « c'est bien possible ». Et cette possibilité, il la faisait partager aux autres en leur racontant cette histoire. Un député, elle est bien bonne. À côté de ceux qui parlaient de cette histoire parce qu'elle était drôle, il y avait toute une catégorie de gens qui s'en occupaient parce qu'elle les intéressait personnellement. Celle qui vit du jeu et des joueurs, depuis les gros mangeurs, qui protègent les cercles et sont pour eux ce que les souteneurs sont pour les filles, jusqu'aux rameneurs, aux dîneurs, aux allumeurs tapissiers. Ah, le député Adeline en était là. Cela était bon à savoir. On pourrait en tirer parti du député et en manger quelques morceaux. On pourrait le mettre en avant pour arracher des autorisations d'ouverture de cercles dans les villes d'eau quand les préfets se montraient récalcitrants. De même, on pourrait aussi l'employer pour prévenir des arrêtés de fermeture que prendraient ses préfets. Aux députés influents, à l'ami des ministres, les préfets n'oseraient rien refuser. Et lui-même, le député n'oserait rien refuser à ceux qui le feraient chanter, puisqu'il en était. C'est surtout dans ce monde qu'on se mange les uns les autres. Cependant, tout ce tapage scandaleux passait au-dessus de celui qui l'avait soulevé, sans qu'il n'en entendît rien, et se douta même qu'on pouvait s'occuper de lui autrement que pour le féliciter, et aussi pour lui faire quelques emprunts, comme cela était arrivé la première fois qu'il avait gagné une somme importante. De ce côté, ses prévisions s'étaient réalisées, et la réalité avait même été au-delà de ce qu'il imaginait. Après sa banque, il n'avait pas quitté le cercle tout de suite pour aller se coucher tranquillement. À quoi bon se coucher? Il était bien trop surexcité, trop troublé, trop emballé pour s'endormir, car, sans être un passionné du jeu, il jouait néanmoins en passionné, le cœur arrêté ou bondissant, les nerfs crispés. Il n'y avait aucun point de ressemblance entre lui et ses joueurs à l'estomac solide, qui, après une nuit où ils ont été ballottés de la fortune à la ruine et de la ruine à la fortune, reprennent au matin leurs occupations ordinaires comme s'ils avaient simplement rêvé. Débarrassé des complimenteurs qui, tout d'abord, l'avaient enveloppé, il avait repris sa promenade à travers le cercle en tâchant de calmer son irritation et de se retrouver. Mais on ne l'avait pas longtemps laissé libre. C'étaient les désintéressés qui, tout d'abord, s'étaient jetés en troupe sur lui, ceux qui vont au succès spontanément, comme les mouches vont aux rayons de soleil. D'autres, toujours à l'affût des bonnes occasions, avaient attendu qu'il fût seul pour l'aborder. « Mon cher président, ils ne sont pas rares dans les cercles, les mendiants qui vivent là sans autre ressource que celle d'un adroit emprunt de temps en temps ou d'un jeton légèrement cueilli au passage. Pourvu qu'ils aient en poche le prix du déjeuner ou du dîner, ils ne quittent pas le cercle. Tout ce que l'on peut consommer pour le prix fixe, ils l'absorbent ou le dévorent, mais sans jamais se permettre la prodigalité d'un extra, même quand il ne coûte que quelques sous. À peine osent-ils plier le pied en marchant, de peur que leur semelle usée ne quitte tout à fait l'empeigne de leurs bottines. Mais ils n'en sont pas moins les plus exigeants, à se faire passer leur par-dessus par les valets de pied. Valets de pied, ils sont fiers d'entendre cet appel dans leur bouche, et n'ont pas honte du sourire de mépris avec lequel on les sert. Mon cher président, Adeline connaissait trop bien cette ritournelle pour ne pas deviner la chanson qu'elle allait amener. 25 louis, 10 louis, 1 louis, mon cher président. Il était difficile de refuser ces pauvres diables, dont plusieurs portaient des noms autrefois honorables, et que le jeu avait roulé dans ses bas-fonds. Mais si ces demandes qu'il attendait jusqu'à un certain point ne l'avaient pas surpris, il y en avait une qui l'avait réellement stupéfié. Comme vers 3 heures du matin, il se disposait enfin à rentrer chez lui, il avait trouvé dans le hall Salzmann qui se disposait aussi à partir. Ils avaient endossé leur par-dessus en même temps, et en même temps aussi ils avaient descendu l'escalier. Vous rentrez chez vous, mon président ? Demanda Salzmann. Sans doute. Eh bien, si vous le voulez, nous irons ensemble jusqu'à la place de l'Opéra. Ordinairement, Adeline rentrait à pied chez lui. Après avoir joué, la marche le calmait et rafraîchissait son sang. Quelquefois même, pour mieux se remettre, il prenait le chemin le plus long. Mais c'était léger d'argent qu'il faisait cette promenade nocturne, et les voleurs qui l'eussent arrêté auraient perdu leur temps. Tandis que ce matin-là, il avait plus de 80 000 francs en billets de banque dans ses poches. « Je vais prendre une voiture, » répondit-il. « Alors, avant de nous séparer, je vous demande un moment d'entretien, 2 minutes. » L'heure était étrangement choisie, alors surtout que quelques instants auparavant, cet entretien pouvait avoir lieu plus commodément pour tous les deux. Cependant, Adeline ne refusa pas ces 2 minutes. « Volontiers. » Ils étaient arrivés sur le trottoir de l'avenue en ce moment complètement désert, tandis que sur la chaussée, quelques coupés du cercle attendaient la sortie des joueurs. « Vous conviendrez, mon cher président, » dit Salzmann, « que celui qui vous a donné cette banque a la main heureuse. Cela, c'est vrai. Et vous conviendrez aussi, je pense, que l'inspiration que j'ai eue de vous laisser ma suite n'a pas été moins heureuse que la main, pour vous au moins. » Adeline, qui ne prévoyait guère la tournure qu'allait prendre cet entretien bizarre, devint attentif à ce mot. « Mais s'il a été heureuse pour vous, » continua Salzmann, « elle ne l'a guère été pour moi. Car si j'avais taillé jusqu'au bout, les 90 000 francs qui sont dans votre poche seraient dans la mienne. Et franchement, ils y arriveraient à propos. » « Chacun taille à sa manière, » répliqua Adeline, qui voulait prendre ses précautions. « Sans doute. Mais on ne peut tailler que ce qu'il y a dans les cartes. Et dans ma suite, il y avait une jolie série. Cependant, rassurez-vous, je ne viens pas vous proposer de partager, bien que je connaisse plus d'un qui, à ma place, n'aurait pas ma discrétion. Je viens seulement vous demander 500 louis, non comme partage, mais comme prêt, parce que j'en ai besoin, un extrême besoin. » Sans avoir aucun grief contre Salzmann et sans rien savoir de mauvais sur son compte, Adeline ne l'aimait point. Cette façon de demander ses 500 louis, en s'adressant à lui comme à un associé, acheva ce que les préventions avaient commencé. « Je regrette de ne pouvoir pas faire ce que vous désirez, » dit-il sèchement, « mais cela m'est tout à fait impossible. » Cependant, tout à fait impossible. Et Adeline se dirigea vers un découpé dont il ouvrit la portière. À ce moment, plusieurs joueurs descendant du cercle arrivaient sur le trottoir. « Rue Tronchet, » dit Adeline en refermant la portière. Le coupé partit, laissant Salzmann ébahi. Sous les yeux des joueurs qu'il sentait sur lui, il n'avait pu ni rien ajouter, ni retenir Adeline.